Ézéchiel chapitre 32. Il arriva aussi en la douzième année, le premier jour du douzième mois, que la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, prononce à haute voix une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte, et lui dis, tu as été entre les nations semblable à un lionceau, et tel qu'une baleine dans les mers, tu t'élançais dans tes fleuves, et tu troublais les eaux avec tes pieds, et remplissais de bourbe leurs fleuves. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, j'étendrai mon ray sur toi, par un amas de plusieurs peuples, qui te tireront étant dans mes filets. Et je te laisserai à l'abandon sur la terre, je te jetterai sur le dessus des champs, et je ferai demeurer sur toi tous les oiseaux des cieux, et rassasirai de toi les bêtes de toute la terre. Car je mettrai ta chair sur les montagnes, et je remplirai tes vallées des débris de tes hauteurs. Et j'arroserai de ton sang, jusqu'aux montagnes, la terre où tu nages, et les lits des eaux seront remplis de toi. Et quand je t'aurai éteint, je couvrirai les cieux, et ferai obscurcir leurs étoiles, je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa lumière. Je ferai obscurcir sur toi tous les luminaires qui donnent la lumière dans les cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur, l'Éternel. Et je ferai que le cœur de plusieurs peuples frémira, quand j'aurai fait venir la nouvelle de ta plaie parmi les nations, en des pays que tu n'as point connus. Et je remplirai d'étonnement plusieurs peuples à cause de toi, et leurs rois seront tout épouvantés à cause de toi, quand je ferai luire mon épée à leurs yeux, et ils seront effrayés de moment en moment, chacun dans soi-même, au jour de ta ruine. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, l'épée du roi de Babylone viendra sur toi. J'abattrai ta multitude par les épées des hommes forts, qui tous sont les plus terribles d'entre les nations, et ils détruiront l'orgueil de l'Égypte, et toute la multitude de son peuple sera ruinée. Et je ferai périr tout son bétail d'auprès des gros sceaux, et aucun pied d'homme ne les troublera plus, ni aucun pied de bête ne les agitera plus. Alors je rendrai profondes leurs eaux, et je ferai couler leurs fleuves comme de l'huile, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand j'aurai réduit le pays d'Égypte en désolation, et que le pays aura été dénué des choses dont il était rempli, quand j'aurai frappé tous ceux qui habitent, ils sauront alors que je suis l'Éternel. C'est ici la complainte qu'on fera sur elle, les filles des nations feront cette complainte sur elle, elles feront, dis-je, cette complainte sur l'Égypte, et sur toute la multitude de son peuple, dit le Seigneur. Il arriva aussi en la douzième année, le quinzième jour du mois, que la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, dresse une lamentation sur la multitude d'Égypte, et fais-la descendre, elle est les filles des nations magnifiques, au plus bas lieu de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Par-dessus qui m'aurais-tu été agréable? Descends, et sois gisante avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qui auront été tués par l'épée, l'épée a déjà été donnée, traînez-la avec toute la multitude de son peuple. Les plus forts d'entre les puissants, lui parleront du milieu du sépulcre, avec ceux qui lui donnaient du secours, et diront, ils sont descendus, ils sont gisants, les incirconcis, tués par l'épée. L'aile assyrien, et toute son assemblée, ses sépulcres sont autour de lui, eux tous, mis à mort, sont tombés par l'épée. Car ses sépulcres ont été posés au fond de la fosse, et son assemblée autour de sa sépulture, eux tous, qui avaient répandu leur terreur sur la terre des vivants, sont tombés morts par l'épée. Là était l'âme, et toute sa multitude autour de son sépulcre, eux tous sont tombés morts par l'épée, ils sont descendus incirconcis dans les plus bas lieux de la terre, et après avoir répandu leur terreur sur la terre des vivants, ils ont porté leur ignominie avec ceux qui descendent dans la fosse. On a mis sa couche parmi ceux qui ont été tués, avec toute sa multitude, ses sépulcres sont autour de lui, eux tous incirconcis, tués par l'épée, quoiqu'ils aient répandu leur terreur sur la terre des vivants, toutefois ils ont porté leur ignominie avec ceux qui descendent dans la fosse, il a été mis parmi ceux qui ont été tués. Là est Mézech, Tubal, et toute la multitude de leurs gens, leurs sépulcres sont autour d'eux, eux tous incirconcis, tués par l'épée, quoiqu'ils aient répandu leur terreur sur la terre des vivants. Ils n'ont pourtant point été gisants avec les hommes vaillants, qui sont tombés d'entre les incirconcis, lesquels sont descendus au sépulcre avec leurs instruments de guerre, dont on a mis les épées sous leur tête, et dont les iniquités ont reposé sur leurs os, parce que la terreur des hommes forts est en la terre des vivants. Toi aussi, tu seras froissé au milieu des incirconcis, et tu seras gisant avec ceux qui ont été tués par l'épée. Là étaient Edom, ses rois, et tous ses princes, qui ont été mis avec leur force parmi ceux qui ont été tués par l'épée, ils seront gisants avec les incirconcis, et avec ceux qui sont descendus dans la fosse. Là sont tous les princes de l'Aquilon, et tous les Sidoniens, qui sont descendus avec ceux qui ont été tués, à cause de leur terreur, étant honteux de leur force, et ils sont gisants incirconcis avec ceux qui ont été tués par l'épée, et ils ont porté leur ignominie avec ceux qui sont descendus dans la fosse. Pharaon les verra, et il sera consolé de toute la multitude de son peuple, Pharaon, dis-je, et toute son armée, mis à mort par l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel. Car j'ai mis ma terreur en la terre des vivants, c'est pourquoi Pharaon, avec toute la multitude de son peuple, sera gisant au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont été tués par l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel.